Chapitre 7e. Célestine Marbot. Célestine Marbot n'était point belle dans l'acception plastique de ce mot. Brune entre les plus brunes, elle rappelait la Salomé du peintre Regnault. Ses lèvres, rouges comme du sang, étaient épaisses et laissaient voir, quand elle souriait, les dents d'une blancheur de lait, mais taillées un peu en pointe comme celles des carnassiers. Ses cheveux étaient opulents. Dénoués, ils retombaient en cascades luisantes et ondulées sur ses épaules fermes comme un marbre de Carrare. Il y a des femmes qui ne sont complètement belles que dans le désordre du déshabillé. Célestine était une de ces femmes. Elle le savait et elle usait de la recette. Martineau, dans un compte-rendu, avait dit que la volupté s'était incarnée en elle. Cette appréciation, un peu réaliste, était juste et avait si bien chatouillé la vanité de Célestine Marbot qu'à partir de ce jour, elle s'était éperdument engouée de lui. Le jeune duc, dans les commencements de sa liaison avec Célestine, n'avait éprouvé pour elle rien qui ressemblât à de l'amour. Il l'avait prise comme une étiquette afin de se poser auprès de ses amis. Mais peu à peu, elle l'avait enveloppée dans les mille réseaux de ses séductions et Octave en était arrivé, en moins de 2 mois, à l'aimer follement. Et cependant, si tous les jours se suivaient, ils ne se ressemblaient pas. Cette liaison avait ses jours de pluie, plus souvent de pluie que de soleil. Parfois, Célestine traitait Octave comme elle n'eût pas traité un laquais. Le lendemain, elle se montrait douce et soumise comme une femme d'Orient. Ses alternatives de beau temps et de bourrasque, de cruauté et de tendresse, avaient fini par énerver à ce point la volonté du pauvre garçon qu'au bout du 3e mois, il était passé à l'état d'esclave. C'était pour satisfaire aux luxueuses fantaisies de l'actrice qu'il s'était endetté de 200 000 francs et tout faisait pressentir qu'il ne s'arrêterait pas là. Salavert, ponctuel comme un chronomètre, apporta, le lendemain de son entretien avec Flavia et Sir Colfax, une avant-scène grillée que lui avait donnée Martineau. La salle de la gaieté était comble. Le rôle confié à Célestine était aussi insignifiant que court, mais il avait l'immense avantage de la montrer dans 3 costumes différents. Le premier était d'une simplicité presque primitive. Le second, tout éblouissant d'or, un costume d'Amazone avec casque et cuirasse. Le troisième et dernier, celui de l'apothéose, consistait dans une robe de poussière de diamant. Le prix de ces toilettes se chiffrait par 20 000 francs qu'Octave avait dû trouver. Placé ce soir-là dans un fauteuil d'orchestre, il contemplait Célestine avec cette satisfaction idiote de l'amour-propre. « Célestine est vraiment réussie ce soir, » dit tout au Martineau, qui se trouvait derrière le fauteuil du jeune duc. Cet éloge, entendu par Octave, le plongea dans une extase impossible à décrire. Flavia, cachée par la grille de son avant-scène, ne perdait aucun détail de la pièce qui se jouait sur le théâtre et de celle qui se jouait dans la salle. « Ce jeune homme dès aujourd'hui m'appartient, » pensa-t-elle en jetant un regard cruel sur Octave de Vallombreuse. Quant à Sir John Colfax, il avait l'air ennuyé d'un Anglais pris de spleen. Derrière eux, Salavert et Maxou causaient à voix basse. Au moment où la toile tombait pour ne plus se lever, Flavia, leur désignant l'actrice du doigt, leur dit « Savez-vous comment cette fille se nomme ?»« Parbleu, vous connaissez tout aussi bien que nous ses noms et prénoms, » répondit le maître clerc avec un grand rire. « Elle s'appelle Célestine Marbot. »« Avant peu, elle se nommera le châtiment. » répliqua Flavia d'une voix sombre.